mes coups, moi j'ai un de plus qu'un autre. Je vois qu'un jeune bouson cuir. J'ai une basket, marche parmi les débris. Souvent la tête passe, l'esprit dans les hautes sphères. Je suis tout seul ou en pont, moi. Tu m'écoutes, c'est que la vie me dégoûte, stancy. Le micro à ustensile, c'est tout. Trop pas la tête, moi je suis pas une starlette. La vie une tragédie que je traîne tout au long de mon putain de trajet. Hey. Souvent dans le RERA, poste au fond, observer mes convives. Système de vie nous plaît, ça trouve voir le top ou subir le doigt sur la détente. Mettre une balle dans la tête, voilà le projet des flics. Je t'explique, le rap c'est juste un petit kiff de plus. Après les pifs et les pifetons, la fumée d'un spliff. Tiens la distance, je suis speed, pareil stupide. Quelquefois acclame la gloire en guise de salaire. J'ai pas l'air commode, on décrit souvent un type froid, je galère. T'as pu me croiser en palade à Châtelet. Ma palave sur la tête, capuche mon partenaire clair en cas de guerre. Hey, toujours au PC, un fight ou un beat de son côté. J'ai pu t'avoir aidé ou même carotté, bref. Je vois un type ordinaire qui rêve de maille au petit déj. J'ai la hyène, que Dieu te protège. Hey, Kaira, toi qui es beau. Yeah, on sent qu'il parle, les flics te braquent. Hey, Kaira, toi qui es beau. Faire aimer ta douleur, c'est pour les jeunes qui est au négro. Hey, frère, c'est toi qui écoute. Méfie-toi, c'est la folie à notre époque. Hey, sœur, c'est toi qui écoute. Évite les bâtards et sois respectable. Hey, toi qui m'écoute, toi qui m'écoute. Un mec, je suis de la mauvaise graine qui te parle et qui pousse. Pour ça qu'on marche en double, naviguant nos troubles. Aïn et capuche, frère, toujours les mêmes pures souches. Je suis l'enfant du pays, le mec en tri. L'enfant du ghetto, un triste produit de banlieue, non. Je suis pas une star, j'ai pas étudié aux beaux-arts. Alors méfie-toi, Renoir, si tu me croises près de chez toi. Dans ce business de merde, mon pote, y'a que des fils de pute qui veulent t'abattre si t'es pas Al Capone. Et quand les flics frappent à ta porte comme Nesbill, écoute la mélodie des briques. Tu comprendras pourquoi on vit, pourquoi on deal, pourquoi on se tape pour du fric, pourquoi on veut survivre, pourquoi c'est la tôle à chaque rime. La nuit dans nos blocs, c'est toujours la fuite au-delà de nos putains de murs. Hey, Kaira, toi qui es pour. Parle, les flics te braquent. Hey, Kaira, toi qui es cool. Faire aimer ta douleur, c'est pour les jeunes qui est au négro. Hey, frère, c'est toi qui es cool. Méfie-toi, c'est la folie à notre époque. Hey, sœur, c'est toi qui es cool. Évite les bâtards et sois respectable. Envahi par le doute, j'parle à toi qui m'écoute. Sous la voûte, écoute le sang couler goutte à goutte. Ma génération se pose des questions. Soldats sans ration, street éducation. Si on bouge les tympans, la scène c'est le Q-tip zinc. Bois mes lyrics Q-sec à bord d'un R5 ou d'un Q7. Pourquoi c'est nous les accusés? Rusés, nos terres-mères, ils en ont trop abusé. J'parle à Watt, derrière les enceintes, augmente les watts. 400 yens arsène à l'ancienne, on fume les wack. M6, j'm'en bats les couilles du rap. J'veux juste être droit, avoir un bis du rap. J'suis pas un haineux, j'ai juste la rage contre les Tosmi. Et les petits, j'vous le dis, les rappeurs, c'est tous des commis, homie. Tu veux te barrer à Miami? Y'a pas d'amis amis ici, c'est juste la famille. Hey, Kaira, toi qui es cool. Yeah, on sent qu'il parle, les flics te braquent. Hey, Kaira, toi qui es cool. Faire aimer ta douleur, c'est pour les jeunes qui est au négro. Hey, frère, c'est toi qui es cool. Méfie-toi, c'est la folie à notre époque. Hey, sœur, c'est toi qui écoute. Évite les bâtards et sois respectable. Yeah, sois respectable, jeune frère du ghetto. Toi qui m'écoutes, Larsen, la hyène, Cappuccino. 94, 93. Hey. Toi qui m'écoutes, monte le son dans ta vague.